Kazakhstan want mis fin à notre relation. Quels facteurs internes ont provoqué une telle réaction? Je suis désolé, mais je dois partir. Fini mon café, c'était très bien, merci. Je suis désolé, mais je dois partir. Je finis mon café. Franchement, je suis près des marines. Franchement, je ne tombe plus dans de pièges. Franchement, laissez-moi tranquille. Franchement, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Cabane dans les montagnes, je suis dedans un moment. Je ne vois pas qu'un procédant et ça me soulage en quelque sorte. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, quelque chose change. Mais pourtant, mon cœur bat pour toi. Mon cœur bat pour toi. Je suis désolé, mais je dois partir. Je finis mon café, c'était très bien, merci. Je suis désolé, mais je dois partir. Je finis mon café. Parce que tu m'as...